إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه وراقبوه في السر والعلن ولا تعصوا واعلموا أن الذنوب والمعاصي تضر في الحال وفي المآل وإن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها وما في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي فما الذي أخرج الأبوي من الجنة دار اللذة والنعيم والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وترده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء رؤوس الجبال وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موت على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية ودمرت ما مرت عليه حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم وما الذي رفع قرى قوم لوط حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا وأرسل عليهم حجارة من سجيل وما الذي أرسل على قوم شعيب صحابة العذاب كالذلل فلما صارت فوق رؤوسهم أمطرت عليهم نارا تلظى وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة أخرى فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجور الملوك ومرة بمسخهم قرادة وخنازير وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة وما الذي أهلك أقواما كثيرة جاءت أخبار هلاكهم في القرآن الكريم وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذلك عباد الله إلا بسبب كفرهم وعصيانهم وعنادهم وتكبرهم عن طاعة الله وطاعة رسله الكرام وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاعتبروا يا أولي الأبصار. يقول عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. المعاصي ما حلت في ديار إلا أهلكتها، ولا في قلوب إلا أعمتها، ولا في أجساد إلا عذبتها، ولا في أمة إلا أذلتها. فهي سبب لهوان العبد على الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. المعاصي تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة ومصيبة إلا بذنب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله لا يغير نعمة أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته، وشكره بكفره، وأسباب رضا بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المعاصي تورث الضيق في الحياة، والقلق في المعيشة، والاضطراب في الأذهان. كثير من الناس يشتكي ضيق الصدر، أو يشتكي الوسواس، أو الأمراض النفسية، ثم يطلب القراء والرقاة. فإذا سألته عن عبادته وجدته لا يعرف المسجد، ولا المحافظة على الصلوات، ولا الدعاء، ولا الالتجاء إلى الله عز وجل. إن أمراضك وضيقتك إنما هي بسبب بعدك عن الله عز وجل، إنما هي بسبب الذنوب والمعاصي. فتوب إلى الله عز وجل منها تجد الراحة والطمأنينة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة دنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. صاحب المعاصي ذليل حقير محروم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. إذا تساهل واستمر ولم يرجع، انتكس وارتكس، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يعملون. بالذنوب والمعاصي يمنع المطر، ويحرم الناس من الغيث، وتزداد الأسعار، وتكثر القلاقل، وتعم الفتن، وتنتشر الأمراض الفتاكة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم، فأخذوا بعض ما كانوا في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل، ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله. المعاصي عباد الله من الأسباب الكبيرة لسقوط الدول وذهاب الأمن وتسلط العدو. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأقبح من ذلك عباد الله المجاهرة بالمعاصي وإعلانها والاستهتار بها وبعقوبتها، فهذا طغيان عظيم، وهم متوعدون بعدم المغفرة من الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كل أمة معافى إلا المجاهرون، وإن من المجانة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات الله عز وجل يستره ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. عباد الله، إنما نرى مما يحصل بالمسلمين اليوم إنما سببه هو الابتعاد عن الله عز وجل وعن دينه وعن التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ترك الدين يسلط الله عليه ذلا لا ينزعه عنه حتى يرجع إلى دينه. إن النصر الحقيقي لا يكون إلا بنصر الله، ونصر الله هي طاعته واتباع أوامره واجتناب نواهيه وما يغضبه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. كيف يريدون المسلمون النصر وهم بعيدون عن ربهم؟ كيف يريدون النصر وهم في المعاصي والآثام غارقون؟ كيف يريدون العزة وهم يطلبونها من غير الله أو من غير الطريقة التي أمرهم بها ربهم؟ كيف يريدون العزة وهم يحتفلون بأعياد الكفار كل حين، مرة برأس السنة ومرة بعيد الحب ومرة بأعياد أخرى فيها التشبه بالكفار؟ وكلما ذهبت إلى الأسواق في بلاد المسلمين وجدت البضائع تذكرك بأعياد الكفار وتذكرك بالكفر بالله، ثم بعد ذلك يريدون العزة ويريدون النصر. إن المقاومة الحقيقية هي مقاومة الشرك بالله عز وجل بجميع صوره، ومقاومة الفواحش والمعاصي، مقاومة الزنا والفجور المنتشر في تلك البلاد، مقاومة الخمر ومن يقدسها، مقاومة سب الصحابة والدين، مقاومة العقائد الضالة والفرق المنحرفة. فإذا تحققت هذه المقاومة صعب على العدو أن يهزمنا مع إعداد العدة والنفوس مليئة بالتوحيد. أما إذا ضعفت هذه المقاومة وانتشر الكفر بأنواعه والشرك وبأنواعه والفجور والفواحش والبدع والزنا والخمر ولا نكير، بل كأنها لا تحتاج إلى مقاومة، فهذا يسهل على العدو الدخول والتسلط وتغير نعمة إلى نقم، وتغير الأمن والأمان إلى فتن وبلاء. فالعزة والتمكين عباد الله لا تكون إلا بالتمسك بالدين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والعزة لا تكون إلا لمن أطاع الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فاحذروا عباد الله الذنوب والمعاصي، وراجعوا ربكم وتوبوا إليه، فهو الذي يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، serviteur d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit, et ne mourrez qu'en pleine soumission à Allah Azza wa Jal. Craignez Allah et Allah vous éduquera. Craignez Allah Azza wa Jal Et rappelez-vous constamment qu'Allah nous observe tous constamment. Sachez, serviteurs d'Allah, que la meilleure des paroles est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et que la meilleure des guidées, des voix, est la voix de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba. Et que les plus mauvaises choses sont toutes les choses inventées dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal afin de se rapprocher d'Allah. Et toutes ces choses inventées dans la religion d'Allah, dans le but de se rapprocher d'Allah par ses actes, tout cela sont des innovations religieuses. Et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Serviteurs d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal, obéissez-lui et soyez conscients qu'Allah vous observe constamment. Sachez que les péchés et les désobéissances à Allah nuisent dans les biens et l'état des gens et que le mal généré dans les cœurs est comme le mal causé par les poisons dans le corps selon leur degré de dangerosité. Les causes des maux et des maladies présents dans ce bas monde et dans l'au-delà ne sont dues qu'au péché et aux désobéissances à Allah Azza wa Jal. Qu'a fait donc sortir Adam et sa femme du paradis, qui est la demeure du bien, du bonheur et de la tranquillité, vers la demeure des problèmes, des calamités et de la tristesse? Qu'a fait donc sortir Iblis, le diable, du cercle des anges, se retrouvant maudit et exclu du bien? Qu'a fait donc noyer tous les gens sur terre jusqu'à ce que l'eau atteigne les sommets des montagnes? Qu'a fait donc le vent mugissant et furieux et frapper le peuple de Had pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs, les laissant morts sur terre comme des souches de palmiers évidées, un signe pour les nations jusqu'au jour de la résurrection? Qu'a fait donc envoyer sur le peuple de Thamoud un cri excessivement fort jusqu'à déchirer leur cœur dans leur corps, et tous mourus jusqu'au dernier? Qu'a fait donc renverser et retourner la cité du peuple de Lot, de bas en haut, jusqu'à ce que les anges entendissent les aboiements de leurs chiens, des chiens de ces gens-là, et que des pierres d'argile pleuvaient en masse sur cette cité, détruisant tous ces gens? Qu'a fait donc envoyer sur les enfants d'Israël un peuple dur qui ont tué les hommes, brûlant les demeures, volant les biens? Qu'a fait donc qu'ils ont reçu différents châtiments, telles les tueries, la destruction du pays, les injustices du gouverneur, et parfois jusqu'à être transformés en singes et en porcs? Allah Azza wa Jalla a juré qu'il leur enverra, qui leur fera subir un dur châtiment jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. Qu'a fait donc que plusieurs peuples ont été détruits, tel que cela est mentionné dans le Coran et dans la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Quelles sont les causes de tout cela? Lorsque nous lisons le Coran et les histoires des prophètes, ce ne sont pas juste des histoires à raconter aux enfants pour qu'ils dorment le soir. Mais cela doivent être des exemples. Regardez ce qui arrive. Qu'a fait donc que tout cela est arrivé à ces peuples? Tout ceci, serviteurs d'Allah, n'est dû qu'à leur mécréance, à leur désobéissance, à leur arrogance à obéir à Allah Azza wa Jal et à ses honorables envoyés, ainsi qu'au délaissement du fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Les gens ont arrêté d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, se prétendant par cela qui sont les musulmans gentils, qui ne font de mal à personne. Un musulman est quelqu'un de correct. Et quelqu'un que si n'importe quelle personne est à côté d'un musulman, cette personne-là se sent en sécurité. Mais ordonner le bien et interdire le blâmable fait partie des attributs du croyant. Et celui qui n'ordonne pas le bien avec ses conditions et n'interdit pas le blâmable avec ses conditions, celui-ci n'est pas sur la voie droite. Donc, chers serviteurs, prenez donc tout cela en considération, ô vous qui voyez clair. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, méditons bien. Nous saisîmes donc chacun pour son péché. Nous saisîmes donc chacun pour son péché. Il y en eut sur qui nous envoyâmes un ouragan. Il y en eut que le cri saisit. Il y en eut que nous fîmes engloutir par la terre. Et il y en eut que nous noyâmes. Cependant, Allah n'est pas tel à leur faire du tort, mais ils ont fait du tort à eux-mêmes. Les désobéissances à Allah, Azza wa Jal, lorsqu'elles s'introduisent dans les demeures, elle les détruit. Lorsqu'elles s'introduisent dans les cœurs, elle les aveugle. Lorsqu'elles s'introduisent dans les corps, elle les châtie. Et lorsqu'elles s'introduisent dans une communauté, elle les égare. C'est une cause d'avilissement par Allah Azza wa Jal. Et quiconque Allah avilit, n'a personne pour l'honorer. Les désobéissances à Allah enlève les biens et apporte le mal et les problèmes. Il n'y a pas un bien qui a été enlevé, retiré à un individu, excepté que cela est dû à un péché. Et ni une malédiction qui s'est abattue sur un individu, excepté que cela est dû à un péché. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Dans la traduction du sens du verset. Et Allah Azza wa Jal ne change pas un bien qu'il a comblé un individu avec, jusqu'à ce que celui-ci le change de par lui-même. En remplaçant l'obéissance à Allah Azza wa Jal par la désobéissance, son remerciement à Allah Azza wa Jal par la mécréance, les causes de la satisfaction d'Allah, eh ben il va le remplacer par ce qui encourt la colère d'Allah Azza wa Jal. Donc si l'individu change ce bien, il lui sera alors enlevé et remplacé par ce qu'il recherchait dans la désobéissance en récompense de ce qu'il aura œuvré, comme Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens des versets, « Ton Seigneur n'est point injuste envers ses serviteurs. » C'est qu'en effet Allah Azza wa Jal, ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Les désobéissances à Allah Azza wa Jal mènent aux souffrances dans cette vie, au mal-être et aux difficultés dans cette vie d'ici-bas et aux troubles dans les esprits. Beaucoup de personnes se plaignent de ressentir un mal-être ou des waswas, des insufflations ou des maladies psychologiques. Puis ils se tournent vers qui pourra leur faire la ruqya et qui pourra leur lire dessus le Coran. Et nous trouvons beaucoup de charlatans qui postulent pour... Cela, ils vont essayer de trouver ces charlatans qui vont leur donner qui vont leur demander 400 euros pour leur chanter le Coran. Mais si tu demandes à cette personne qui se sent mal, où en est-elle dans sa relation envers Allah Azza wa Jal, tu te rendras compte que cette personne ne connaît même pas la mosquée, ni la préservation de la prière, ni les invocations et la demande d'aide à Allah Azza wa Jal. La cause de cette maladie dont tu te plains ne provient que de ton éloignement d'Allah Azza wa Jal. Cette maladie provient de tes péchés et de tes désobéissances à Allah Azza wa Jal. Repens-toi envers Allah Azza wa Jal et éduque-toi dans ta religion. Tu connaîtras ainsi ce qu'est et ce que signifie la taqwa d'Allah Azza wa Jal, la crainte pieuse. Tu ressentiras ainsi la tranquillité. Tu sauras patienter. Une fois que tu auras compris ta religion. Car tout individu qui se détourne de la religion d'Allah Azza wa Jal ne connaîtra jamais la réussite. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. » Celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal est humilié, sans estime, privé de bien, à chaque fois qu'un musulman se met à commettre un péché, c'est une humiliation pour lui. Il s'humilie. Celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal est humilié, sans estime, privé de bien. Abdallah ibn Abbas radiallahu anhu m'a dit, les mauvaises actions obscurcissent le visage, font que des ténèbres envahissent le cœur, elles affaiblissent le corps, diminuent la subsistance et entraînent de l'animosité envers lui dans le cœur des gens. s'il persiste dans les désobéissances et ne revient pas repentant vers Allah, tel qu'Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Par les péchés et les désobéissances à Allah Azza wa Jal, les gens se retrouvent privés de la pluie et des récoltes résultant de cette pluie. Les prix augmentent, les angoisses sont plus nombreuses au sein des gens, les troubles se généralisent et les maladies mortelles se répandront. D'après le hadith Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh chers muhajirin, il y a 5 caractères dont je cherche protection auprès d'Allah, que vous soyez vivants jusqu'à ce qu'elles apparaissent. » La dépravation morale n'apparaît pas dans un peuple jusqu'à ce qu'il l'annonce en public sans qu'il ne soit touché par la peste et les maladies que leurs prédécesseurs n'ont pas connues. Aucun peuple ne diminue les balances dans la mesure sans qu'il soit touché par la famine, la vie difficile et la tyrannie des dirigeants. Aucun peuple ne refuse de donner la zakat de leur argent sans qu'il soit atteint par la sécheresse. Et n'était-ce les animaux, la pluie ne tomberait pas. Aucun peuple ne viole le pacte, l'engagement d'Allah et de son envoyé, sans qu'Allah Azza wa Jal leur envoie un ennemi qui n'est pas des leurs. Et lorsque leurs dirigeants ne jugent pas avec le livre d'Allah, Allah les fera combattre les uns contre les autres. Hadith authentifié par l'imam al-Albani, rapporté par Ibn Majah. Serviteurs d'Allah, les péchés sont la cause des chutes des nations, la mise en place de l'insécurité et l'attaque des ennemis contre ces pays, comme c'est d'actualité. Allah Azza wa Jal, dans la traduction du sens du verset, dit « Et Allah propose en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille. Sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis elle se montra ingrate aux bienfaits d'Allah. » Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. Pire encore que cela, serviteur d'Allah, le fait de répéter aux gens ces péchés qui ont été faits lorsque un musulman a fait des péchés, il était seul et il se met à les répéter aux gens. Il les met au grand jour et certains même sont fiers d'exhiber les péchés qu'ils ont commis et prennent à la légère le châtiment qui risque de lui coûter sur cela, pour avoir fait cela. Cela est un égarement évident. Et ce genre d'individu agissant de la sorte est sous la menace de ne pas se voir pardonner par Allah Azza wa Jal. Selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute ma communauté est pardonnée sauf ceux qui font les péchés en public ou informent les gens des péchés qu'ils font lorsqu'étant seuls. » Et certes, fait partie de la mujahara, c'est-à-dire dévoiler ses péchés aux gens. Qu'un homme fasse quelque chose la nuit, puis au matin, alors qu'Allah Azza wa Jal l'a caché, il dit « Oh un tel, j'ai fait telle et telle chose. » Certes, il a passé la nuit en étant caché par son Seigneur et le matin il divulgue ce que son Seigneur a caché. Rapporté par le Bukhari Muslim. Serviteur d'Allah, ce qui arrive aux musulmans aujourd'hui est dû au péché commis par des gens de cette communauté. Cela est dû à leur éloignement d'Allah Azza wa Jal, à leur éloignement de la religion d'Allah Azza wa Jal. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a clairement annoncé que quiconque délaisse ou s'éloigne de la religion, Allah le frappera d'une humiliation qu'il n'enlèvera pas jusqu'à ce qu'il retourne à sa religion. La véritable victoire ne s'obtient uniquement qu'en donnant la victoire à Allah Azza wa Jal. Et la victoire d'Allah Azza wa Jal consiste à lui obéir, suivre ses ordres, s'écarter de ce qu'il a interdit et de ce qui encourt sa colère. Allah, comme Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Comment les musulmans veulent la victoire alors qu'ils sont loin de leur Seigneur? Comment les musulmans veulent la victoire alors qu'ils sont noyés dans les péchés et les désobéissances à Allah Azza wa Jal? Comment les musulmans veulent la puissance alors qu'ils la demandent à autre qu'Allah Azza wa Jal? ou d'une façon autre que celle légiférée par Allah Azza wa Jal. Comment les musulmans veulent la puissance alors qu'ils célèbrent les fêtes des mécréants à chaque fois, telles que la Saint-Valentin. Et maintenant, nous allons arriver dans les périodes de fin d'année. Noël, les fêtes de fin d'année. Et vous allez voir des individus s'affiliant à cette communauté, se précipiter, se ruer dans les magasins afin d'acheter des décorations, des sapins de Noël et des cadeaux qu'ils donnent le 24 décembre à minuit. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est quelque chose de vrai. Vous voyez où en est arrivée la communauté ? Lorsque les musulmans ont deux fêtes, Eid al-Fitr, après le mois de Ramadan, et Eid al-Adha, lors de la période du Hajj, le lendemain du jour de Arafat, nous trouverons ces mêmes individus qui font des économies et des dépenses, et des économies pour avoir cet argent-là, et des dépenses énormes pour acheter des cadeaux dans les fêtes des kuffars. Puis arrive l'Aïd, je n'ai pas le temps. Quelqu'un me l'a dit, je préfère en Tunisie. Je préfère passer un week-end à l'hôtel que d'acheter un mouton. Ces individus qui se précipitent à imiter les kuffars dans leur train de vie, à parler comme eux, à manger comme eux, à agir comme eux, à se comporter comme eux et à fêter leur fête. Cependant, nous les trouverons en première ligne des manifestations. Libérer la Palestine. Non, touchez pas notre prophète. Subhanallah. Ces mêmes individus ont de la réticence à mettre un pied dans les mosquées pour certains. Mais ils n'ont pas de problème à rentrer dans les églises et photographier et puis dire que je suis tout un touriste. Serviteurs d'Allah, nous nous devons de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Rappelez-vous les questions dans la tombe. Qui est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Et quel est cet homme qui a été envoyé parmi vous ? Ce n'est pas comme ces égarés d'innovateurs qui, une fois que l'individu est enterré, ils se mettent au niveau de la tombe, ils disent à tout le monde de sortir du cimetière, ils se mettent à leur dire « Dis, mon Seigneur, c'est Allah ». Ce n'est pas comme ça. La réponse à ces questions dépend de la façon comment tu étais sur terre, Eric. Serviteur d'Allah, comment vous étiez ? À vivre votre islam ou à être tels les hypocrites et les kuffars ? Ou les hypocrites qui diront « J'ai entendu des gens qui disaient comme ça, alors je répétais ». La vraie lutte, chers frères et sœurs, est celle qui lutte contre tous les types de polythéisme et d'associationnisme. J'avais mentionné cela car nous trouvons également dans les pays musulmans que lorsqu'arrivent les fêtes de fin d'année, alors que c'est un pays musulman, des gens se mettent à vendre des marchandises qui vous rappellent les fêtes des kuffars. Et ensuite, ils se plaignent que la vie est chère. Et ensuite, ils se plaignent que leur dirigeant est injuste. Et ensuite, ils se plaignent qu'il vit mal. La vraie lutte est celle qui lutte contre tous les types de polythéisme et d'associationnisme. De lutte contre les péchés, les désobéissances. De lutter contre la fornication et tous ces péchés répandus dans ces pays musulmans. De lutter contre la consommation de vin et d'alcool et ceux qui le supportent. Aujourd'hui, nous trouvons des gens qui s'affilient à l'islam et qui disent que c'est permis de consommer l'alcool et qui écrivent des livres. La vraie lutte, c'est également de lutter contre ceux qui insultent la religion et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De lutter contre les fausses croyances et contre les groupes égarés et innovateurs. Mais comment voulez-vous lutter contre cela ? Si vous n'avez pas le bagage nécessaire, c'est-à-dire la science légiférée, qui vous permet de vous écarter de tous ces égarements-là. Nous, dans ce pays de Kofr, nous devons lutter contre tous les péchés. Comment ? En s'éduquant dans la croyance correcte, en comprenant notre religion, en l'appliquant sincèrement et à œuvrer à faire la hijra vers les pays musulmans, qu'Allah nous la facilite. Lorsque la croyance est correcte et ferme, il devient alors difficile à l'ennemi de tenter de semer la zizanie au sein de la communauté musulmane, car les cœurs sont remplis d'une croyance ferme et inébranlable. Mais lorsqu'il n'y a pas cette croyance authentique ancrée dans nos cœurs, les ennemis de l'islam s'introduisent dans nos rangs avec l'aide des hypocrites afin de nous diviser, d'affaiblir nos pays musulmans. Et lorsque les péchés se répandent au sein d'une société musulmane, que l'innovation se fait appeler sunna et que le shirk se nomme respect aux awliyaïs, personne pour interdire le mal et ordonner le convenable, l'ennemi alors ne trouve plus de résistance face à lui. Et ceci est l'humiliation même. La puissance et l'honneur n'est donné qu'à celui et celle qui obéissent à Allah, ne s'obtiennent qu'en s'accrochant à l'anse solide d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal ne soutient, ne supporte que ceux qui donnent la victoire à Allah. Comme dans la traduction du sens du verset, ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, acquittent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Allah. Un frère m'a transféré un email qui venait d'un responsable d'une organisation qui prétend lutter contre ce qu'ils appellent aujourd'hui l'islamophobie. Et son invitation, pensez-vous qu'il va inviter Allah Azza wa Jal ? Dans son email, il dit, donc il invite à adhérer à leur organisation afin de lutter contre l'islamophobie au niveau politique tel des lobbies. Pour résumer, ce que cet égaré a commencé son message avec, il dit, là c'est le moment où je sonne l'alerte générale. Le pays vire à la pure folie politique et des millions de personnes risquent d'en faire les frais si on ne fait rien rapidement. On est en train de passer un point de non-retour si on ne renforce pas nos moyens d'action de manière décisive, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Donc, je vous propose quelque chose d'assez révolutionnaire. Et si on retournait complètement la situation dans le bon sens, aujourd'hui, on avoisine les 3000 adhérents. À 40 000, on peut recruter une équipe dédiée à la lutte contre l'islamophobie au plus haut niveau politique, en faisant pression et en sanctionnant toutes les personnalités politiques qui se servent des musulmans comme d'un paillasson électoral. Je réponds à cet égaré qui fait partie de la secte des frères musulmans, les Ikhwan Muflisin, dont nous avons déjà évoqué dans les précédentes khutbah, dont leur objectif n'est que des buts mondains. Je leur dis, les péchés commis par tous les musulmans en France sont la cause d'avilissement par Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, « Et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer. » Et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer. Vous pourrez être 50 000, vous pourrez être 1 milliard, vous pourrez être toute l'humanité en entier dans cette organisation-là pour soi-disant défendre les musulmans. Mais si Allah Azza wa Jal les a avilis, personne ne pourra les honorer. Au lieu de leur dire, j'ai une idée assez révolutionnaire qui va tout renverser, revenons repentant vers Allah Azza wa Jal. Appliquons la sharia d'Allah dans vos cœurs, elle s'appliquera sur vos terres. Mais ces individus ne sont pas capables de tenir leur propre personne face au péché. Ne sont pas capables de tenir leur demeure selon la législation d'Allah Azza wa Jal. Cependant, on les trouve en première ligne des manifestations et des revendications scandant sans cesse qu'ils veulent un changement. Ignorer que le changement s'opère lorsque chaque musulman corrigera sincèrement sa relation envers Allah Azza wa Jal. Reviens repentant vers Allah Azza wa Jal. Ces humiliations subies par la communauté, ça ne sert à rien de se réunir dans les cafés et se dire « Regardez ce qu'ils font, la communauté elle est comme ça, et regarde. » Mais toi t'en es où ? Tu passes ton temps dans le café au lieu de venir prier tes prières, les 5 prières obligatoires. Tu les délaisses. Tu n'invoques même pas Allah Azza wa Jal. Tu fais même pas une fois le dhikr et tu te plains que la communauté est comme ça. Casse le cercle de l'habitude et réveille-toi. Ne sois pas de ceux qui vivent avec l'espoir de rester sans fin dans ce monde, en s'obstinant à nager au sein des péchés, commis chaque jour, chaque heure, jusqu'à en arriver au point où la banalisation du péché fait en sorte que l'individu ne le considère même plus comme un péché. Il fait tellement de péché qu'il ne voit plus que c'est un péché. Il allume la télé, il voit les infos, la femme est dénudée, et pour lui, ce n'est pas un péché. Il est habitué. Il l'a tellement fait qu'il ne se pose même plus la question. Et il se demande comment que ça se fait que la communauté est comme ça. A'oudhou billah, qu'Allah nous préserve de l'aveuglement des cœurs. Car comme Allah Azzawajal dit dans la traduction du sens du verset, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Serviteurs d'Allah, craignez Allah et craignez le jour où vous reviendrez devant Allah. اللهم ارشدنا لطاعتك ووفقنا لمرضاتك وعنا على ذكرك وشكرك يا رب العالمين اللهم اعز دينك واعلي كلمتك وانصر عبادك الموحدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد